Car dans toutes les civilisations modernes, c'est-à-dire dans toutes les civilisations nées de la machine, l'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire. Allô ? Laissez votre message. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Mais... Oh ! Mais c'est n'importe quoi, ce truc-là ! Oui, alors écoutez, moi j'ai jamais rien commandé chez vous. Il y a votre machine qui m'appelle pour me dire que j'ai commandé un robot. Allô. procédure de désintoxication pour des problèmes liés à la consommation de drogue. Ah, parce que vous foutez de ma gueule en plus! Ben, je vous préviens que ça va pas se passer comme ça! Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Forcer la main des gens comme ça? C'est quoi ces méthodes là? Pas maintenant, hein!